Ceci est une lecture de Christophe Bouillet pour audiocité.net. Cet enregistrement est placé sous licence Creative Commons by NCSA 3.0 FR. Noël. Poème en vers libre du Chevalier à la Rose. Enfant, je rêvais d'apercevoir le Père Noël, venu jusque chez moi en traversant le ciel, dans un traîneau tiré par des rennes, et se faufilant par la cheminée sans peine. Enfant, je rêvais de cette magique matinée, où, au pied du sapin, se trouvent éparpillés des cadeaux colorés tendrement déposés pour ravir mes jeunes yeux émerveillés. Adolescent, ne trouvant plus guère de féerie, le plaisir prit place dans les réunions de famille, sous l'immortel sapin aux chatoyantes aiguilles et dans les gargantuesques repas prolongés à l'infini. Adolescent, bien sûr, j'aimais toujours les cadeaux. La magie évanouie, je prenais goût à la technologie. Jouets devenus gadgets, ordinateurs et jeux vidéo, c'est devant des écrans que je prolongeais mes nuits. Adulte, enfin, c'est à tes côtés que revint la magie. Tu m'offris le plus beau des Noëls quand tu fus là. Aujourd'hui, tu es absente, mais pourtant près de moi. Et un jour, à nouveau, je le sais, mon Noël sera féerie. Adulte, c'est vrai, c'est pourtant dans un monde de magie que parfois je t'aperçois, si belle amie de mon cœur, et dans cet instant d'éternité, amoureusement, je souris. Joyeux Noël à toi, et que tous connaissent telle chaleur.